Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107 FM. Aujourd'hui, on est vendredi pour ceux qui m'écoutent pour la première et qui dit vendredi dit billet de sortie. Comme d'habitude, florilège d'annonces d'événements, quelques interviews par téléphone et de la musique, bien entendu. Et en parlant de musique, je vous annonce tout de suite les différents morceaux au cas où je les oublie. Donc, dans l'ordre, c'est Uploads de Lady Gaga. En deuxième, c'est Is This Love de Bob Marley. Troisième, Ragamuffin de Selassou. Puis, Adynamite de Galchi Revolution. Et enfin, Supermassive Black Hole de Muse. Au moins, vous êtes au courant de tout ce que vous allez écouter ce soir en espérant que les morceaux choisis vous plairont comme d'habitude. Écoutez, on se retrouve après la liste non exhaustive, bien entendu, de tous ces événements. Et on se retrouve juste après pour la conclusion. Applause, live for the applause, live for the way that your children scream. avez survécu à cette première semaine après la rentrée, eh bien, applause de Lady Gaga était pour vous. Félicitations. Vous avez passé la première semaine. Il en reste encore beaucoup d'autres à passer. Mais après tout, on va continuer parce que le week-end a débuté. On va commencer dans la bonne humeur. Donc, on va commencer ce billet de sortie le plus simplement du monde. Et par quelle rubrique va-t-il commencer ? Eh bien, il va commencer par la rubrique autre, un peu fourre-tout, dans laquelle je ne sais pas trop classer, voilà. Donc avant tout, il y a l'association de secours et de placement des animaux Vosges qui vous informe qu'ils ont reçu un stock assez important d'habits pour tous, hein, femmes, hommes, enfants, et toutes sortes de vêtements. Ils doivent écouler ce stock, hein, la totalité de ce stock. Chaque vêtement est à 50 centimes, alors n'hésitez pas à faire des affaires à Aspabroc au 131 rue du Château à Belmont-sur-Vert le dimanche 9 septembre 2018. Et pour aussi d'autres informations, je vous invite aussi à les appeler ou à les aider, hein, vu que la somme récoltée leur permettra de continuer à œuvrer dans différentes actions. L'ASPA d'ailleurs vous remercie par avance à tous les généreux donateurs. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi les contacter au 03 29 08 90 63 et faites de bonnes affaires. La saison des forums des associations a commencé aussi, quoique elle va peut-être pas tarder à se terminer vu que la rentrée a débuté. Le samedi 8 septembre de 10h à 18h à La Haye-le-Doyen, il y a le forum des associations de Golbey. Alors venez nombreux! La ville de Saint-Amé aussi organise son forum des associations le dimanche 9 septembre, par contre à la salle polyvalente de 10h à 17h. Il y aura des démonstrations sportives de judo, karaté, danse, tennis, roller qui auront lieu toute la journée. Les associations culturelles, sociales aussi seront de la fête. Donc rejoignez-les le dimanche 9 septembre à Saint-Amé pour vivre ou découvrir la passion des autres. La Lampe de Travers tiendra son stand au Forum des associations d'Épinal le dimanche 9 septembre tout l'après-midi au port avec un petit atelier découverte à la clé. Et pour leur premier rendez-vous mensuel, ce sera le samedi 22 septembre au Centre culturel d'Épinal de 14h à 17h. À l'occasion de cet atelier, il est demandé aux participants s'ils peuvent amener des textes ou des objets dont ils ne veulent plus pour écrire sur le thème vide-grenier. Inscription obligatoire pour permettre l'organisation à l'adresse kgavoil, donc kgavoil@gmail.com. Et cette rubrique autre s'achève déjà, donc on va écouter le morceau Is This Love de Bob Marley. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Et ce billet de sortie reprend après Easy Love de Bob Marley. Et on va recommencer maintenant avec la rubrique culture. Donc le dimanche 9 septembre, une balade à l'écoute de la haute forêt de la Kingsmouth autour de Bussan sera l'occasion d'un atelier d'écriture en plein air animé par Maggie Louis et Vincent de Combispe sur la beauté de la forêt de 13h30 à 15h30, toujours dimanche 9 septembre. Celles et ceux qui veulent seront invités à s'exprimer sur ce thème. Il y a même un abri en cas de besoin. L'atelier se réalisera au Tétraèdre, un monument pour la vie en bois de Frédéric Durand, reprenant la structure de l'atome de carbone, symbole de vie, situé à la jonction des communes de Ventron, Le Mesnil et Bussan, au lieu-dit Forgout, ancienne chaume disparue du XVIIe siècle, marquée par une borne historique près des fameuses mines d'or, escroquerie ou illusion de l'abbé Morisseau au XIXe siècle. Le lieu est accessible à pied pour mieux respirer la forêt. 1h30 de marche environ depuis le parking sous Frère Joseph à Ventron. Départ à 10h avec Francis Cuny. Ou même durée, départ à 10h au parking au-dessus d'Azureva à Bussan avec Frédéric Durand. Le chemin n'est pas très bon mais assez régulier et peu escarpé par le chalet de Rochelotte depuis Bussan. Il est carrossable avec un véhicule assez haut. Comme le fourgon trafic qui acheminera les tables et le chapiteau pour une protection éventuelle. D'autres véhicules moins hauts peuvent y passer en ralentissant dans quelques passages délicats ou boueux. Le stationnement est possible pour un nombre limité de véhicules. L'apéritif sera d'ailleurs offert, mais les repas sont tirés du sac. Et pour le retour, il faudra prendre les véhicules et au parking pour se rendre à Trévexin, la commune de Cornimont, par Ventron pour les uns, par Bussan, Le Thiot et Le Mesnil pour les autres. Ce sera la restitution des textes à 19h en musique avec à la cabane magique de Francis Cuny à Trévexin. Puis le repas, ce sera des pizzas, apportées quand même des compléments. Pour réserver, inscrivez-vous donc au numéro de Maggie Louis, donc c'est le 06 08 69 98 55 ou à l'adresse VD88, donc VEDE88@orange.fr. On passe à la sous-rubrique musique avec Steve du Complexe l'Artiste qui vient nous raconter la programmation du Complexe l'Artiste de Golbey jusqu'au 28 septembre. Donc je vous laisse avec l'interview que j'ai faite avec lui. Et on retrouve Steve du Complexe l'Artiste à Golbey pour notre rendez-vous hebdomadaire pour toute la programmation à venir. Cette fois, on va faire une grosse interview vu que ce qu'on a à vous annoncer, c'est jusqu'au 28 septembre. Bonjour Steve. Bonjour Lou. Alors, t'es prêt pour ce gros cette grosse interview, cette grosse annonce ? Une grande programmation, effectivement. Alors, on commence ce vendredi avec Louise Day en concert acoustique dans la salle du bas à 21h30. Elle était déjà venue il y a quelques mois et là elle nous revient, jeune artiste vosgienne, plein de talent, un bel avenir je pense. Donc Louise Day ce soir en concert acoustique. Je continue avec samedi demain. Oui, vas-y, je t'en prie. J'imagine que si tu précises pas, c'est que, enfin, les tarifs d'entrée, si tu précises pas, oui, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit effectivement, si okay. C'est payant, je vous le dis évidemment, effectivement, et c'est le cas demain pour demain, grosse soirée métal, avec Tribute, Metallica, Black Sabbath et Sons of Madness, à partir de 20h30, c'est 8 euros, une grosse soirée métal. Je vous conseille de ne pas venir trop tard, parce qu'on sera limité en place bien sûr, là à un moment on peut pas pousser les murs, oui, bien sûr. Donc il y a déjà pas mal de gens intéressés par l'événement, donc faudra venir assez tôt. Voilà, le 14 septembre, on a Gaëtan da Silva en concert. Alors bien sûr, je le précise, hein, tous les jeudis, pensez-y, c'est karaoké, c'est systématique. Ça, je vous le dis plus pour toutes les semaines. Hein. Voilà, et donc c'est gratuit aussi. Vendredi prochain, donc concert acoustique de Gaëtan da Silva, il est déjà venu aussi nous voir. C'est à 21h, entrée libre. Attends, je reprécise au cas où pour les auditeurs, donc tu disais vendredi prochain, c'est le 14 septembre, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Pardon, ouais, pardon. Gaëtan qui viendra avec sa guitare. Samedi 15 septembre, là, c'est une fois par an, c'est le challenge de la chanson internationale. À partir de 19h30, c'est une association des Ardennes qui vient chaque année repérer des artistes qui passent une sélection. Donc, si vous voulez voir comment ça se passe, ou si vous voulez accompagner quelqu'un qui veut tester le concours, l'entrée est libre. Sinon, il y a une inscription pour chacun, il y a une inscription, je crois, d'une vingtaine d'euros si on veut participer à ce concours, pour se faire sélectionner, présélectionner pour le grand concours qui se passe une fois par an, sur plusieurs samedis, sur plusieurs semaines. Et d'ailleurs, il y a eu à l'époque, je ne sais plus le nom, mais quelqu'un qui était sélectionné, qui avait gagné ce concours et qui était sélectionné pour The Voice. Donc c'est voilà, c'est un pré-challenge à des plus grands concours. Voilà. Donc là aussi, peut-être qu'il faut s'inscrire. Je vous propose de vous inscrire au préalable. Vous avez les renseignements sur le site internet du Complexe Artiste. Et le vendredi 21 septembre, Min Murray, en concert, elle nous vient du Canada, elle fait une tournée européenne et elle passe par Golbey. C'est une chanteuse guitariste canadienne qui a joué avec des grands noms. Donc si vous voulez voir entendre un gros niveau de chant et de maîtrise de la guitare, c'est Min Murray, c'est le 25 septembre, donc vendredi 25 septembre à partir de 21h, entrée payante à 8 ou 10 euros. Le 22 septembre, samedi 22 septembre, Inglorious Cluj, un concert de rock, avec même une soirée avec trois concerts, trois groupes, puisque Cluj et Inglorious sont suivis de Well at the Crossroads. Donc là, c'est du rock lorrain parce qu'ils viennent de Épinal, Saint-Dié et de Verdun. Le mercredi 26 septembre, 21h, soirée salsa, bachata, kizomba. Voilà, ça devient un petit peu une habitude. Tous les 15 jours, le mercredi, il y a une soirée de danse, salsa, bachata, kizomba. Et il me reste à vous préciser, le vendredi 28 septembre, nous aurons Dichotomie en concert à 21h. Et là, vous aurez toutes les informations, bien sûr, aussi, également sur le site internet, parce que là, on vous a annoncé beaucoup de choses. Toutes les infos, toutes les précisions sur le site internet ou sur la page Facebook Complexe l'Artiste. Et voilà, c'est tout ça. C'est tout un programme pour la quasi-totalité du mois de septembre et on se retrouvera le 28 pour d'autres nouvelles. Mais bon, au moins, il y a de quoi faire, en tout cas au Complexe l'Artiste à Golbey. Ben écoute, Steve, si on a dit tout ce qu'il y a à dire, je te remercie beaucoup pour toutes tes informations. Eh bien, merci. Et puis, bonne semaine et bon week-end de festivités, de concerts et autres. Il y a de quoi faire dans les Vosges et ça fait vraiment plaisir. Oui, merci Steve, bon week-end à toi. Salut, au revoir. Salut. Et on va continuer un peu dans la musique avec le Potter Laca de Saint-Amé qui ce soir, vendredi 7 septembre dès 19h, donc allez-y si jamais c'est le moment, donc qui fait une soirée karaoké. Et si jamais il y a du monde, hein, ou si jamais vous avez envie de prendre un petit peu l'air mais pas de prendre froid, ne vous inquiétez pas, la terrasse, ils ont installé une terrasse couverte et chauffée. Et l'animation se fait par Pat Anime. L'entrée est gratuite et la soirée dure aller de 19h à 2h du matin, grand maximum. Et on passe à la sous-rubrique spectacle animation, à commencer par Verserlin qui, dans le cadre du Festival des Jardins Métissés, comme à chaque dimanche à 14h, organise un événement dans l'enceinte du jardin de Verserlin. Et ce dimanche 9 septembre, ce sera une déambulation comptée dans les jardins avec Messa Zaltzman. Donc rendez-vous à 14h dans les jardins du parc de Verserlin et découvrez l'univers fantastique, poétique et féerique de la conteuse Messa au cœur des jardins d'ambiance Japon. Et pour plus d'infos, donc c'est au parc de Verserlin à l'écomusée textile, à la rue du parc 68-470 Usseren-Verserlin. L'entrée est payante, c'est un billet unique qui donne accès au jardin, au musée, à la grande chaufferie, donc qui coûte 9,50€ par adulte. Sinon, pour les enfants de 6 à 18 ans ou pour les étudiants, c'est 5€. Et enfin, pour les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. Et enfin, samedi 8 septembre à 19h au TIO sur le site minier des Hautes Mines, il y a la nuit internationale de la chauve-souris dans le monde entier, mais le site minier des Hautes Mines par le musée des Hautes Mines organise quelque chose. Et j'ai eu Jean-Philippe Simon en interview, donc je vous laisse avec les informations qu'il va vous donner dans quelques instants. Ce week-end, et plus précisément le samedi 8 septembre, au TIO pour les Hautes Mines, et plus précisément au site minier, il y aura la nuit internationale de la chauve-souris. Et pour en savoir plus, j'ai Jean-Philippe Simon au téléphone. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement de la nuit internationale de la chauve-souris ? Alors, comme chaque année, les Hautes Mines participent à cet événement. Alors, c'est un événement international puisque il se fait un petit peu partout dans le monde. Alors, en général, c'est plutôt au mois de juillet, au mois d'août, mais on peut encore le faire jusque début septembre. Et donc, le but est avant tout de faire connaître les chauves-souris, les chiroptères, puisqu'on parle bien de chiroptères, qui sont en fait une espèce des animaux qui sont protégés. Voilà. Et donc, on parle un petit peu de leur espace de vie, de leurs conditions pour bien vivre et pourquoi elles sont utiles et importantes à préserver. J'imagine aussi que c'est une forme de sensibilisation pour la protection de cette espèce. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, ce sont des espèces qui sont un bon indicateur de la qualité d'un environnement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'axe vraiment sur ces animaux. Vraiment de savoir si l'environnement est bon ou non. Et sain. Et donc, cette journée, ou plutôt soirée de sensibilisation, vu qu'après tout, les chauves-souris ont tendance, si je ne m'abuse, à vivre de nuit. Oui. Donc, ça va commencer à 19h, selon le communiqué. Tout à fait. On commence à 19h. Ça sera sur le site minier des Hautes Mines. Alors, pour l'occasion, un fléchage sera prévu pour rejoindre le site minier, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite, sur le site, plusieurs ateliers, 6 ateliers. On commence par l'accueil avec une petite exposition photo sur les chiroptères et également quelques informations qui permettent vraiment d'avoir une idée d'ensemble de ces animaux. Et puis d'autres ateliers avec notamment des contes et légendes, un parcours sur le site minier qui alterne extérieur et intérieur où on parle aussi de tout l'intérêt écologique du site et de tout ce qui est nécessaire à la bonne préservation des chauves-souris, mais également des visites souterraines avec une galerie un peu plus longue, dont les nouveaux parcours qui sont depuis cette année accessibles, et où les chauves-souris sont présentes le plus souvent en hiver, à partir de l'automne et durant l'hiver et jusqu'au début du printemps. Donc vous avez dit aussi que ça commence à 19h, mais s'il y a peut-être des retardataires, il y a différents temps forts où si on arrive à 19h02, on aura quand même paru toute la soirée. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment une soirée ouverte, on peut accéder jusqu'à 22h sans souci. Voilà. Et en fonction de l'horaire d'arrivée, on est rattaché à l'un des ateliers, soit Contes et Légendes, soit la visite de la mine Rouge-Montagne, qui est un peu plus longue, soit le parcours extérieur, soit le jeu de piste. Donc il y a 6 ateliers au total, voilà. C'est ça ? Tout à fait. Et donc ces ateliers sont accessibles pour une tranche d'âge en particulier ou Alors pas il plus faut que les enfants aient quand même au moins 5 ans, ils doivent être accompagnés bien sûr de leurs parents, et il faut quand même prévoir un équipement avec des bonnes chaussures et des vêtements chauds, puisque sur le site minier quand même le soir c'est assez frisqué, surtout à l'automne, comme ça au début d'automne. Voilà. Ce qui peut bien entendu se comprendre. Et pour ces ateliers, est-ce qu'il y a un tarif, un prix d'entrée à payer ? Alors non, l'animation est complètement gratuite puisque c'est vraiment dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-souris. Donc cette animation a été élaborée en partenariat avec les Hautes Mines, Natura 2000, l'Europe beaucoup d'intervenants, la commune du Tillot bien sûr, et le parc naturel régional des Ballons. Donc voilà, on récapitule pour les auditeurs. Donc samedi 8 septembre à 19h, hein, ou à partir de 19h au Tillot, sur le site minier des Hautes Mines, la nuit internationale de la chauve-souris, où vous pourrez en savoir plus. Hein, ce sera une nuit axée littéralement sur les chauves-souris. Jean-Philippe Simon, j'imagine que vous serez sur place pour pouvoir peut-être répondre aux questions que, voilà, les personnes, que les visiteurs se poseront. Oui, tout à fait. On sera là. On essaiera de répondre aux questions, et il y aura également l'intervention de l'aspect pesque, qui est vraiment spécialisé sur les chauves-souris et qui permettra de répondre aux questions les plus pointues. Ah ben dans ce cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour ce samedi, pour cette soirée même du samedi. Et on invite, j'invite bien entendu les auditeurs à aller vous rendre visite là-bas. Merci. Bon ben je vous remercie, puis passez une belle soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir, merci. Yeah. Oh. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. And there's a freedom fighter. He's handling his choice, and I know that. The dear ragamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. The dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not fool around. But why don't you be good to see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. Forget, yeah, yes. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, yeah. So, dear ragamuffin, is the one of the friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do? I don't know. Dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground? Et le billet de sortie reprend. Vous avez écouté à l'instant le morceau Ragamuffin de Selassou. Et on continue toujours ce billet de sortie dans la sous-rubrique exposition. Donc, à commencer par l'exposition gratuite sur le général Humbert qui se prolonge jusqu'au 16 septembre, donc qui touche bientôt à sa fin au musée Charles Fréry, sous une forme plus réduite mais avec l'essentiel. Un courrier de la main du fameux militaire vosgien, une gravure coloriée de Basset vers 1799, un grand portrait dessiné par J. Barfedoff vers 1898 d'après une gravure du début du 19e siècle, sans oublier le superbe sabre d'honneur gravé du capitaine Duryval donné par le premier consul Bonaparte à la suite de l'expédition d'Irlande. Cette petite exposition, constituée de deux vitrines et prolongée par un livret disponible à l'accueil des musées, invite à découvrir les collections du musée en lien avec la Révolution, donc musée Charles de Bruyère, et le Premier Empire, musée Charles Fréry. L'association de la Chapelle des Arts de la Suche vous propose deux expositions en ce moment même. Donc les sculptures sur pierre de Daniel Petitjeunet en exposition permanente et les icônes aquarelles qui sont disponibles tous les week-ends de 2 septembre de 14h30 à 18h. L'entrée pour la Chapelle de la Suche est libre. On va glisser un petit peu, hein, qui dit expo dit parfois vernissage et c'est une histoire de poule faisane. Un chassé croisé d'envol déplumé sous fond de vaisselle cassée et de verre ébréché où flottent les ombres des funambules qui tintinabulent et pourtant elles planent. C'est ce pourquoi la Bresse vous invite à un vernissage ce vendredi 7 septembre à 19h à la Maison de la Bresse, comme je l'ai dit, pour cette petite part d'oiseau qui est en nous de Claude Semelet. D'ailleurs, je vous renvoie vers l'émission que j'ai fait lundi avec Xavier Battistella qui est encore disponible. Et en parallèle de cette grande exposition qui a lieu jusqu'au 11 novembre, si je ne m'abuse, il y a une exposition de la Grande Guerre à la Bresse par l'Association des Racines Bressaudes qui tiendra place jusqu'au 4 octobre. Les horaires de la Maison de la Bresse, c'est du samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Et sinon, du lundi au vendredi de 15h à 18h. L'entrée est bien entendu libre. À propos de la Bresse et la Maison de la Bresse, jeudi 13 septembre aura lieu le nouveau 20h04 de l'idée sans détour. Et donc, ce sera bien entendu à 20h04 à la Maison de la Bresse. Il y aura dans l'ordre Jean-Pierre Valentin, photographe, écrivain, voyageur, qui va vous conter son reportage du Sahara à la vallée de Chajou, suivi de Thomas Defranou, qui est permaculteur hygiéniste, qui va justement montrer en quoi la permaculture est un retour vers la nature, suivi de Christophe Roderman, hein, qui est médiateur culturel et historien d'art, qui va dévoiler le mystère Picasso, et pour clore la soirée, Amon Bey, danseur contemporain qui vous fera découvrir son art. Toujours dans la rubrique exposition vernissage, l'association Le 46 d'Épinal vous invite à la 6e Biennale d'art contemporain d'Épinal, bien entendu, parce que l'art aujourd'hui est le patrimoine de demain, comme ils disent si bien. Les artistes investiront les 600 mètres carrés de la plomberie ainsi que les espaces extérieurs pour présenter leurs œuvres. Le visiteur sera confronté à de nombreuses techniques et disciplines hétéroclite. Donc il y aura de la peinture, de la photographie, de la sculpture, du tatouage, de la sérigraphie, du collage, des performances, du graffiti, du skateboard et j'en passe. Donc le programme, hein, avant tout, c'est en accès libre, toujours à la plomberie à Épinal. Donc il y a vernissage et performance le vendredi 7 septembre de 19h à minuit avec inauguration en présence des artistes et des mécènes, avec une musique en live jouée par DJ Bean Soul et Ever, avec nourriture et drink cool price. Puis pour chill day et party night, ce sera samedi 8 septembre de 11h à minuit. Donc c'est plutôt de la détente, game, performance, peinture, live l'après-midi et musique, danse et fiesta la nuit. Encore une fois, nourriture et boissons qui sont fournies. Et la musique live par DJ Lockheed et Ever. Puis exposition, donc toutes ces expositions ont lieu du 7 septembre, donc dès vendredi soir jusqu'au 16 septembre. Et les horaires des visites, c'est de 11h à 19h. Il y aura d'ailleurs même une tattoo session, donc deux artistes tatoueurs provenant d'univers différents seront présents pour réaliser des flashs dans un espace éphémère spécifique, respectant les règles et normes d'hygiène, bien entendu, pour la pratique du tatouage par Flagrant Délit Tattoo et Niglo de la Cale. Skateboard Time aussi, donc une micro-rampe réalisée par Romain, créateur du San Leo News, sera mise à disposition des riders et rideuses tout au long de l'événement. L'entrée est pour cet événement libre, ça convient à tout public. Et la localisation, donc c'est la plomberie 46 rue Saint-Michel à Épinal. Et on passe vers la rubrique événements. Donc avant toute chose, le livre Sur la place à Nancy fête sa 40e édition. Cette année, il a lieu du 7 au 9 septembre, juste à côté de la place Stanislas. Plus d'informations, parce qu'il y a énormément de choses à dire, je vous renvoie vers la page Facebook, le livre Sur la place, ou le site internet, lelivresurlaplacetoutcollé.fr. L'association Kicking Records, en collaboration avec La Souris Verte, organise le dimanche 9 septembre 2018 la 4e édition de la Convention du disque à Épinal dans le cadre de sa grande braderie. De 10h à 18h, La Souris Verte accueillera plusieurs dizaines d'exposants, professionnels, particuliers et associatifs. Les visiteurs se verront proposer des disques, donc 45 tours, 33 tours, CD et DVD neufs, d'occasion ou de collection et d'autres accessoires et goodies. La journée sera ponctuée par les animations musicales dont un concert acoustique du groupe Supermunk. C'est un chanteur Forest Pookie. Et enfin, pour clore la sous-rubrique événements, l'association AMI organise, AMI pour association, il y a insertion à la fin. Donc pour le samedi 8 septembre, hein, ils accueilleront la fête de la transition. Cette année, la fête aura pour thème le zéro déchet et sera co-organisée avec le SICOVAD, Épinal en transition et 3ème Rive. Donc je vous suggère de faire un tour sur les pages Facebook de l'association AMI, AMI, le SICOVAD ou Épinal en transition, voire même le café 3ème Rive. Et on va switcher enfin vers la dernière rubrique de cette émission, plutôt courte encore une fois, mais il y a beaucoup de choses à dire vu que c'est un événement conséquent. Donc on va s'écouter la dernière musique, ou l'avant-dernière pardon, à Dynamite de Galchi Révolution, et on se retrouve juste après pour la rubrique sport. We'll be right back. Toujours dans le billet de sortie de l'heure des loups de 18h à 19h si vous m'écoutez le vendredi. On est de retour pour cette dernière rubrique sport qui va pas être très très longue non plus comme d'habitude. Mais enfin, s'il y a bien quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que l'Infernal Trail a commencé. Enfin, surtout le trail de 200 km. Le 120 km débute samedi 8 septembre à 6h du matin. Le départ du 60 km est toujours le 8 septembre à 9h du matin cette fois. Le 30 km, c'est dimanche à 9h du matin. Et l'Infernal 100%, dont la totalité des gains est reversée à une cause caritative, débute le dimanche 9 septembre à 11h pour 12 km. Et enfin, l'Infernal Run, qui est une course d'obstacles de 8,5 km, débute le samedi 8 septembre à 18h. Il est peut-être un petit peu tard pour s'inscrire, mais il n'est jamais trop tard pour encourager les sportifs, les départs ayant en majorité eu lieu depuis l'hôtel de ville de Remiremont, sauf le run, l'Infernal Run qui démarre depuis le stade à côté de Saint-Nabor. Et pour plus d'informations, je vous envoie vers le site donc l'infernaltrail.com, tout collé, l'Infernal, hein, pas de tréma, rien, ou sur Facebook, l'Infernal Trail. Et avant de se dire au revoir, on va s'écouter un dernier morceau, c'est le morceau Supermassive Black Hole de Muse. Ah, ça y est, vous l'avez entendu, le générique a débuté, donc ce billet touche à sa fin. Et avant de se dire au revoir, comme d'habitude, c'est le moment de faire la programmation de la soirée et du week-end. Donc la prochaine émission, c'est à 21h avec Vincent pour vivre et créer la montagne. Puis on se retrouve demain matin de 7h à 8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Je vous réexpliquerai après la deuxième rediffusion comment ça se passe pour les podcasts. Puis samedi à 8h30, les Vosges samedi avec Hélène. Toujours samedi à partir de 10h, musée de partie avec Cyril Renaud. Ensuite, 19-20h, hein, toujours samedi, rediffusion, dernière rediffusion du billet de sortie. Comme je disais, aisément écoutable, téléchargeable pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre les rediffusions, pour ceux qui loupent le coche. Hein. Elle sera sur la page Facebook Radio Guémozo ou sur notre site internet radioguémozo.eu, émission et rediffusion, rubrique l'heure des loups. Et je le disais, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordi, smartphone, peu importe le système d'exploitation, les deux fonctionnent. Et pour en revenir à la programmation, donc pour samedi, ce sera Rock à la Casbah à 21h, suivi à minuit, donc plutôt dimanche matin, la rediffusion de Memento Mori de jeudi. Et on arrive déjà à dimanche avec la rediffusion de Musée de Partie de Cyril Renaud. Puis à partir de 10h, toujours dimanche, Salut les 60 avec Gérard. Puis à 16h, j'ai aimé, je vous le lis avec Dominique. Et pour clore ce week-end, Jazz Time de Radio Déclic à 22h, suivi d'une bonne playlist de jazz de 3h. Et je vous dis pas à lundi, hein, je sais pas trop où je serai, mais je ferai pas de direct. Enfin bref, dans tous les cas, je vous souhaite un très très très bon week-end. Et on se retrouve dans le pire des cas le 26 septembre pour le Festi La Vida et ensuite le 27 enfin en direct pour la médiathèque de Westerlin. Mais bon, je vous en dis pas plus, hein, ce sera dans la programmation de toute façon pour ceux qui auront envie de suivre au fur et à mesure. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie beaucoup beaucoup pour votre attention. Et puis on se donne rendez-vous à bientôt, plutôt rendez-vous bientôt vu que je sais pas trop. Enfin bref, bon week-end et bonne soirée à tous.